Le feu est dans un mode de fonctionnement anormal. Il est jaune clignotant au milieu. Cela implique que tous les feux de l'intersection sont aussi au jaune clignotant au milieu. On revient aux règles de priorité générale. Il faut céder le passage au véhicule sur rail, le tramway qui approche. Maintenant, où s'arrêter pour attendre que le tramway passe? Comme il n'y a pas la place de commencer à tourner et que notre voiture gênera de toutes les manières, il est préférable de s'arrêter immédiatement. Une autre raison de s'arrêter avant le feu, si celui-ci se remet à fonctionner, ce qui arrivera à un moment ou à un autre, je pourrais tenir compte du feu. Réponse A.